La puissance spirituelle ou la puissance financière. Mais vous voyez un mission là. Salomon. Il avait la sagesse, c'est la puissance spirituelle. Salomon n'a jamais dit qu'il n'a pas eu la mais pour soutenir son royauté, il n'y a pas eu la puissance financière. Et c'est là qu'il peut être appelé, ça y est, il y a mis son. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et si tu as aussi la puissance matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Sauf qu'on est sur le point de l'angouillère, il y a un gros cas, il y a un gros cas, il y a un gros cas. Obéis à la parole de ses serviteurs. Et Dieu va accomplir la puissance matérielle chez toi. Avance-toi, tu mets ton $100 et tu viens ici. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très impopulaire. Tu auras des hommes et des femmes célèbres qui peuvent donner $100 pour la construction de l'État. L'obéissance très coûteuse, que ce soit $5, $10, $20, jusqu'à $50. $5, $10, $20, $30, à $50. Avancez-vous aussi. Et je vais prier pour vous. C'est le dernier appel pour ceux qui doivent opérer en dollars. Quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Et puis le temps où tu fais ces dollars, il n'y a pas qu'à tu vas couper ta dollar pas d'ailleurs. Oui. Il y a quatre tickets à la dimension pour la niveau de nous. Les autres les sommes en prière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM Group Forex. Et c'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité. Et c'est une forme d'éducation financière dont l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets du plus grand marché financier au monde. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises, en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan.